18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bienvenue sur notre émission Convergence 89.5. Et pour nous, c'est la rentrée. Donc c'est un grand plaisir de revenir après ces vacances largement méritées. Forcément, Covid oblige, aujourd'hui on n'est pas dans les studios, mais on est accompagné de la team. Comme d'habitude, on repart sur les mêmes formats. On sera là, on va vous accompagner toute l'année avec nos jolis petits mix, nos jolies petites interviews, des petites vidéos aussi, donc à suivre. On est toujours sur Facebook, Spotify et Mixcloud. Voilà, c'est sur ce, je vais passer un peu le micro car on est accompagné de la... Enfin, je suis accompagné de la team. Bah ouais, c'est la rentrée, ça fait plaisir de tous vous retrouver, retrouver cette énergie de convergence, retrouver toutes ces belles découvertes au fur et à mesure de l'année. On espère très fort. Du coup, non, on espère qu'on va pouvoir encore se régaler, vous proposer toujours plus de diversité. Et puis, on a encore 2-3 projets à travailler pour cette année, pour pouvoir développer ce beau projet qui est Convergence. Et puis, on a hâte de vous faire partager tout ça tout au long de l'année. Donc, du coup, je passe la parole à Pixid. C'est la rentrée, c'est normal, faut que ça rentre. Les vacances ont été dures pour tout le monde, on dirait. C'est ça qui est sympa. Ouais, du coup, on va vous accompagner encore cette année pour vous faire découvrir peut-être de nouveaux artistes, peut-être des plus vieux aussi qui sont toujours pas passés. Nous, on sera toujours là pour animer tous les samedis et aussi pour vous annoncer toutes les dates qu'il y aura le week-end, exclusivement cette période forcément, parce que là, les soirées manquent un petit peu, mais l'envie de faire la fête est toujours là. Donc, je vais passer le micro tout de suite à notre amie Yose, qui en dira bien plus. Alors, bien plus, je pense pas en dire plus, mais salut à tous. Bah, bonne rentrée déjà à tous ceux qui nous écoutent. Donc pour cette année, on va vous proposer plusieurs artistes avec des styles aussi bien définis qu'indéfinis. On verra bien. Il y aura forcément beaucoup de house, assez de techno, un peu de tout ce qui est électro comme d'habitude quoi. Enfin voilà, en tout cas ça va être que du bonheur et bonne écoute à vous pour ce set avec la petite team tous ensemble. Et merci pour l'écoute. I'm not afraid of the dark. Oh, We'll be right back. L'agenda de la semaine, ou plutôt du week-end. En ce moment même, jusqu'à 21h, vous pouvez retrouver le rooftop party avec Oma au Mobotel. Ou encore, vous pouvez choisir d'aller à l'open air au Platane, Back to School, qui se terminera à 22h. C'est animé par Cora M et D-Tech, qui jouent actuellement de la grande minimale et de la deep, tout ça au soleil. Vous pouvez également rejoindre jusqu'à 22h30 Minibass, au Loupica, animé par Faz, une grosse claque de dubstep et de drum and bass. La suite de ce week-end, ce dimanche, voyageons en dehors de la ville de Lyon, la French Mama sur Mirabel, pour groover avec l'événement Trinit Open Air, avec Manu, Clément Bonelli, Fiona Craft et Illy, une grande vague house, tech et afro de 15h à 23h. De 18h30 à 22h30, Confidence présente Kimo à la Péniche Loupica, un mélange de deep, minimal, mélodique et oriental house. Cette fois-ci, on passe à la semaine prochaine, jeudi, de 17h à 21h30. Il y a le rendez-vous hebdomadaire de Destination à la Brasserie Hôtel de Ville. On vous attend nombreux pour siroter une petite bière. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine sur Convergence. Thank you. 18h-19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.